Impossible de confondre une zone 30 avec une zone de rencontre, pour la bonne et simple raison que dans l'un figure un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h et dans l'autre à 20 km/h. Dans une zone de rencontre, les piétons sont prioritaires par rapport à tous les autres véhicules. Cela ne veut pas dire que les piétons peuvent rester plantés au milieu d'une rue pour entraver la marche d'une voiture. Une zone de rencontre est avant tout un lieu où les divers usagers doivent se sentir solidaires d'un lieu à partager. Pour cette raison, la vitesse est limitée à 20 km/h maximum, et ceci dans tout un quartier. Quand j'en sortirai, je rencontrerai ce panneau. Réponse B et D.